c'est pas ce monde qui te la livre. Je serai Yves le jour où le bonheur voudra bien me poursuivre. Mais en attendant, je me suis retiré. Je suis de l'autre côté de la rive afin je puisse naviguer seul avec mes pensées. Je collabore avec l'instrumental normal. C'est le mât de mon gouvernail. La météo annonce une rafale irritale tropicale. Un petit changement d'air. Donne-moi une instru, c'est avec ça je vais faire le tour de la terre. La musique est mon oxygène supplémentaire. C'est elle qui m'aide à avoir les pieds sur terre. C'est comme ça. Vite en main qu'a fait. Réel carré t'es réel. Réel carré t'es réel. Réel carré t'es réel. C'est comme ça. Vite en main qu'a fait. C'est comme ça. Si tu veux tester, oublie pas de ramener ton testament. Éventail lyrical, paré à décharger. Je vais les maltraiter gentiment avec leur propre salive. Ils vont se noyer. Les réels savent, je reste le même. Simplement, j'aiguise de plus en plus mes phases. Je me déplace au gré de mon inspi. Je fais les choses sans regret. Sois pas surpris. Le bunker est le seul endroit où je m'exile. C'est là où je peux voyager. Quelques lignes en créole et me voici sur mes îles. En café du vent, sans garder des yeux, ma chérie est vraie. En cas zappé la restante. Voyager, voyager, on y a un paquet de destinations. Le plus moins qu'à mettre en action. C'est comme ça, putain, moins qu'à fête. Réel carré, t'es réel. Réel carré, t'es réel. Réel carré, t'es réel. C'est comme ça, putain, moins qu'à fête. C'est comme ça. C'est pas ce monde qui te la livre. Je serai Yves le jour où le bonheur voudra bien me poursuivre. Mais en attendant, je me suis retiré. Je suis de l'autre côté de la rive afin je puisse naviguer seul avec mes pensées. Je collabore avec l'instrumental normal. C'est le mât de mon gouvernail. La météo annonce une rafale lyrical tropicale. Un petit changement d'air. Donne-moi une instru, c'est avec ça je vais faire le tour de la terre. La musique est mon oxygène supplémentaire. C'est elle qui m'aide à avoir les pieds sur terre. C'est comme ça, bitin, en moins qu'à fête. C'est comme ça, bitin, en moins qu'à fête. C'est comme ça, bitin, en moins qu'à fête. Réel carré, t'es réel. Réel carré, t'es réel. Réel carré, t'es réel. C'est comme ça. C'est comme ça, putain, en moins qu'à faire.